balance tous tes remords, on va recommencer. Avance, on va tout faire à tort et à travers, et on devra voir commencer. Tous tes remords, on va recommencer. Avance, on va tout faire avant que ça ferme. On a tellement de choses à traverser. On rêve tous notre vie d'un paradis. Nous on crève tous d'envie de changer le monde, mais trop insignifiant. On rêve tous de rires infinis, de voir s'instaurer dans chaque pays un semblant de démocratie. On s'élève avec si peu de voix contre les infamies. J'arc contre vie qu'une fois, quelques sourires parfois, bien souvent des pleurs de joie. Et le soleil brille malgré les tonnes de mauvais choix. Balance tous tes remords, on va recommencer. Avance, on va tout faire à tort et à travers, et on devra voir commencer. Tous tes remords, on va recommencer. Avance, on va tout faire avant que ça ferme. On a tellement de choses à traverser. Tout ce qu'il y a dans nos rêves, c'est juste au bord des lèvres. Même si c'est intense et bref, et c'est juste en bas de chez moi. C'est juste au bord des lèvres. Tout ce qu'il y a dans nos rêves, même si c'est intense et bref, et c'est juste en bas de chez toi. Nous on l'a saccagé cette si belle planète, j'ai les messages mais pas assez de décibels. Peace and love, orné dans les années hippies. Ainsi triste est le sort de l'homme insipide. Je tends la main si tu apprends avec ton cœur. Je suis prêt à effacer mes rancœurs. On rêve tous de notre vie d'un paradis. Nous on crève tous d'envie changer le monde et de rires infinis. Balance tous tes remords, on va recommencer. Avance, on va tout faire à tort et à travers, et on devra voir commencer. Tous tes remords, on va recommencer. Avance, on va tout faire avant que ça ferme. On a tellement de choses à traverser. Tout ce qu'il y a dans nos rêves, c'est juste au bord des lèvres. Même si c'est intense et bref, et c'est juste en bas de chez moi. C'est juste au bord des lèvres. Tout ce qu'il y a dans nos rêves, même si c'est intense et bref, et c'est juste en bas de chez toi. Tout ce qu'il y a dans nos rêves, c'est juste au bord des lèvres. Même si c'est intense et bref, et c'est juste en bas de chez moi. C'est juste au bord des lèvres. Tout ce qu'il y a dans nos rêves, même si c'est intense et bref, et c'est juste en bas de chez toi.